Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou sur le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures, durant lesquelles nous allons entendre de la musique progressive de presque tous les horizons. Et on va commencer avec le bloc 1 qui est dédié à l'album de la semaine. Et ce sera Bjørn Riis avec l'album « Forever Comes to an End », Bjørn Riis de Norvège. Et on aura aussi « All Them Witches », nouveauté des États-Unis, Pimlico de Norvège, Anima Mundi de Cuba. On aura le bloc 3 qu'on va confier à Camel pour un survol en fait, de trois albums. Le quatrième bloc, on aura « Ghostly Beard », c'est-à-dire de Montréal. Ça sera suivi de Machine's Dream de Toronto et on va conclure avec une nouveauté des États-Unis, Ghost Against Ghost. Alors pour ce premier bloc qui est destiné à l'album de la semaine, on a le privilège de vous faire entendre Bjørn Riis. Bjørn Riis qui est le guitariste de Airbag qui nous propose un deuxième album qui est sorti en fait au mois de mai, le printemps dernier. Et Bjørn Riis, étant le guitariste de Airbag et étant aussi supporté dans ce deuxième album par deux des membres de Airbag, bien on peut s'attendre à une certaine similarité. Alors, pour ceux qui connaissent Airbag ou ceux qui veulent découvrir Bjørn Riis, alors voici trois extraits de l'album « Forever Comes to an End ». Thank you. Stay. Oh, Where are you now? Are you safe somewhere else? Did you find a place to call your home? Where did you run to? Did you need to forget? All that you and I been fighting for? Where are you now? Do you still remember me? The things I said and wanted you to know. We could steal ourselves away, and you could sing to me. I need you now. Come back to me. take my hand and stay with me. Let's pretend and make me whole. I've been searching for a long time for you, for you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le guitariste Bjorn Riis, guitariste de Airbag, qui nous présentait son deuxième album « Forever Comes to an End ». Et on a entendu trois pièces. En début de bloc, nous avions la pièce titre « Forever Comes to an End ». Ça a été suivi de « Winter ». Et on a conclu avec « Where are you now ?». Alors, je rappelle aux auditeurs que vous n'avez pas à vous rappeler de toutes ces informations-là, puisqu'elles sont disponibles sur la page Facebook de l'émission « Rock de neurones ». Alors, après la pause, « All Damn Witches », « Pimlico » et « Anima Mundi ». Vous êtes à l'écoute de « Rock de neurones » avec Jimmy Farley. Et oui, on continue avec de la nouvelle musique de rock progressif. Et on a en début de bloc All Them Witches. C'est une nouvelle formation américaine qui vient de faire paraître un album qui s'intitule Sleeping Through the War. Je rappelle que les nouveaux groupes, surtout des États-Unis, sont faciles à trouver sur Bandcamp. Bandcamp qui est une plateforme de vente de musique sur Internet, et on y retrouve surtout des fichiers électroniques, c'est-à-dire que la plupart des jeunes groupes n'ont pas les moyens d'avoir des plateformes physiques comme le CD ou le vinyle. Alors Bandcamp, c'est une très belle plateforme où je découvre moi-même des... En fait, depuis un an, j'ai découvert au moins 300 à 400 nouveaux groupes que je me fais plaisir de vous faire entendre en pigeant, parce que c'est des albums ou des pièces qu'on... En fait, c'est des morceaux qu'on peut acheter à la pièce. C'est un peu comme iTunes, mais du côté Bandcamp... apparemment, et c'est non vérifié, là, l'argent irait plus aux artistes qu'aux promoteurs. Alors, All Them Witches, c'est une formation, comme je le disais, des États-Unis. Ils viennent de faire paraître un premier album, Sleeping Through the War. On va entendre la pièce Am I Going Up? Et ça va être suivi de Pimlico, qui est une formation norvégienne qui a 4 albums à son actif. C'est un groupe qui est actif depuis 2011. Et l'album qu'on va entendre, c'est Guiding Light, et la pièce extraite, c'est Piz Gloria. Et on va aller en fin de bloc du côté de Cuba. Cuba qui n'est pas très prolifique en termes de rock progressif. Si on compte 3-4 groupes, c'est le maximum, je pense, qu'on peut penser trouver du côté de Cuba. Mais Anima Mundi est quand même le pilier dans le genre. Ils ont 5 albums studio. Ça a débuté en 2002. Et il y en a eu un très bon en passant qui est paru il y a 2 ans, c'est I, Me, Myself. Mais ce qu'on va entendre, c'est extrait du troisième album paru en 2010, The Way. Et la pièce s'intitule Time to Understand. darkness with your face against the wall. Yourself in the kingdom of God. of your life, you are closer to your real home. If you ascend to the sun's mansion, rising yourself from the kingdom of darkness. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe cubain Anima Mundi avec la pièce Time to Understand. Ça, c'est extrait de l'album The Way qui est paru en 2010. Ça se trouve être le troisième album de la formation. Ça a été précédé de Pimlico qui nous vient de la Norvège et la pièce Piz Gloria. Ça, c'est extrait de Guiding Light qui est paru en 2014. Et en début de bloc, nous avions la nouvelle formation américaine All Them Witches et la pièce Am I Going Up. Et ça, c'est extrait de Sleeping Through the War. Après la pièce, c'est-à-dire après la pause, Camel. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au troisième bloc de l'émission qu'on va confier entièrement à la formation Camel, ce groupe d'Angleterre fondé par les frères Latimer déjà en 1964. Là, on parle de 53 ans ago. Et c'est une formation qui a vu passer des musiciens pas mal aguerris, là, comme j'ai parlé des frères Latimer, il y a Pete Bardens qui est malheureusement décédé, il y a eu Guy Leblanc aussi qui est aussi malheureusement décédé. On a eu Richard Sinclair aussi, qui est de la formation Caravan. On a eu Mel Collins aussi, qui s'est joint au groupe. Alors, c'est un groupe qui nous a laissé 15 albums. Je pense que le dernier, sauf erreur, là, le dernier, c'est un réenregistrement de Snow Goose. Et ça fait déjà quelques années. Je les ai aperçus sur Internet comme faisant peut-être une petite tournée il y a 2 ans. Mais je ne connais pas la santé ou l'état de santé d'Andrew Latimer par les temps qui courent, mais je sais qu'il a été très prolifique avec 15 albums studio. Et ils ont vraiment fait leur marque avec les premiers albums, là, dont Mirage, The Snow Goose, Mood Madness, pour nommer les plus importants. Et c'est un petit medley de 5 pièces tirées de 3 albums que je vous propose. Alors, on aura 3 extraits de Snow Goose qui est paru en 1975. J'aurai aussi Lunar Sea de Mood Madness qui est paru en 1978 et Rajaz, plus récent, qu'on a entendu en 1999. Alors, voici, en passant, c'est un petit clin d'œil à Patrick Martin, un fidèle auditeur de la Mauricie. desert sun has passed, horizon's final light, and darkness takes its place. We will pause to take our rest, sharing songs of love and tales of tragedy. The souls of heaven are stars at night. They will guide us on our way until we meet again another day. A song, and all are hypnotized, enchanted by the sound. We will mark the time as one, tandem in the sun, the rhythm of a hymn. The souls of heaven, stars at night, they will guide us on our way until we meet again another day. Thank you. souls of heaven turn to stars. Every single night, all across the sky, they shine. Alors, c'était Camel, le groupe britannique, avec la pièce Rajaz, et c'est extrait de l'album du même nom qui est paru en 1999, et auparavant, nous avions un extrait de l'album Mood Madness, et la pièce s'intitule Lunar Sea, et on a eu trois extraits auparavant tirés de l'album Snow Goose qui est paru en 1975. Après la pause, Ghostly Beard, Machine's Dream et Ghost Against Ghost. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici déjà rendus au dernier bloc de l'émission qu'on va débuter avec un artiste montréalais du nom de Patrick Talbot qui opère sous le pseudonyme de Ghostly Beard. C'est un album thématique ou un énigmatique yéti. Vient de sortir du bois après 15 ans d'absence et se nomme Ghostly Beard. Et c'est une entité artistique visionnaire dotée d'une créativité sans limite qui englobe soft rock, jazz, prog fusion, classic rock et plus. Alors c'est ambitieux et pour un petit peu mettre dans l'esprit, Patrick Talbot est un multi-instrumentiste. Alors c'est le gars qui fait tout sur son album et malgré ça, je dois dire qu'après l'avoir écouté, on a droit à une belle homogénéité et on va tout de suite écouter ça. Juste un petit délai ici pour annoncer qu'est-ce qu'il y aura après. Ça sera le groupe torontois Machine's Dream qui vient de faire paraître son troisième album Black Science. Et en fin de bloc, nous aurons la formation américaine Ghost Against Ghost. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, mais toutes les trois pièces font référence à quelque chose d'assez fantomatique. Put it to you one last time. Thank you.

Ceux qui ont un petit peu de mémoire vont penser que c'est Bittersweet Symphony de The Verve. Ben non, c'est Ghost Against Ghost, un nouveau groupe américain. Et la pièce s'intitule Still Love et c'est extrait de l'album du même nom. Et ça, c'est paru cette année. Et ça a été précédé de la formation torontoise Machine's Dream avec la pièce Heavy Water. Ça, c'est extrait de Black Science. Ça vient tout juste de paraître, en fait, il y a quelques mois. Et en début de bloc, nous avions la formation montréalaise Ghostly Beard et la pièce No Return tirée de l'album Infinite. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 163e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches matins de 10h à midi. En fait, ça a été changé. C'est les dimanches après-midi de 17h à 19h et les mercredis et les mardis de midi à 14h. Alors, je répète, les dimanches soirs de 17h à 19h et les mardis de midi à 14h. Et ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et aussi, l'émission est disponible sur Internet via SoundCloud en rediffusion. Et pour y accéder, vous n'avez qu'à taper Rock de Neurone dans la barre de recherche de SoundCloud. Vous pouvez aussi y accéder à partir de la page Facebook de l'émission Rock de Neurone, où vous allez trouver toutes les informations et les détails concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission. Et sur cette page, cette même page Facebook, vous aurez aussi accès à aux archives. On est presque 90 émissions d'archivées. Et aussi certaines petites coquilles là, qui vous donnent, par exemple, les dates de parution des prochains albums de la plupart des groupes majeurs de rock progressif. Et aussi des petits comptes rendus ou des photos des spectacles auxquels j'ai assisté là, durant les derniers mois. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une autre émission de Rock de Neurones.